exacte sombrissent le ciel, travestit la vérité, pactise avec l'obscurité. Confronté à mes craintes, ce poison me ronge. Les mots s'enchaînent, mon histoire se raconte. Il n'y a pas d'endroit plus désolé, ruine et poussière. J'accepte le monde.